Entraînement, page 106, activité 4, piste 97. 1. Il s'appelle comment ? 2. C'est très bon. 3. Bonne année. 4. Elle aime se promener.